Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 4. Nouvelles de Fall River. C'est brouillé, commis chez messieurs Gibbs & Clark, magasin d'habillements confectionnés et de commandes, et vêtements de toutes sortes, numéro 1 et 2, maison pour cassettes, Fall River, Massachusetts. La clientèle canadienne est respectueusement invitée à venir visiter notre assortiment d'automne et d'hiver. La compagnie de fiacres, pour le service public, a pris la résolution de vendre son matériel par adjudication. Il est à désirer qu'il se trouve des acquéreurs entreprenants pour un maître de service sur un bon pied. Il y a eu des courses en canot le 20. Les amateurs ont commencé en premier lieu et le prix a été remporté par John Murphy. Parmi les rameurs de profession, il y avait 15 concurrents. Onlan, qui était du nombre, a été battu par un nommé Teamer qui a remporté le premier prix. Il y avait 5000 personnes sur place. Le mouvement des sociétés irlandaises, ayant pour but de faire une souscription au profit des veuves et orphelins, des malheureux qui ont été exécutés à Dublin, ensuite des dénonciations du traître Kerry, est reçu favorablement parmi les amis de l'Irlande. Il n'y a aucun doute que bien des cœurs généreux participeront avec joie à cette œuvre de bienfaisance. Samedi dernier, au jardin Forest Hill, il a été volé une montre de la valeur de 160 $ à Joe Edwards, restaurateur aux manufactures Borden City. Il s'est de suite aperçu du vol, commis par deux jeunes gens qu'il avait poussés en passant, et pendant qu'ils cherchaient un agent de police pour les arrêter, ils se sont sauvés en passant la rivière en bateau. Dimanche dernier, Mgr Hendricken a fait sa visite pastorale annuelle à la paroisse Sainte-Anne. Cette circonstance a été d'un intérêt plus qu'ordinaire pour les paroissiens, puisque, à part l'administration des sacrements de la confirmation et de la communion à environ 300 enfants, Monseigneur a consacré au service de la religion et de l'éducation chrétienne le nouveau et magnifique couvent de la paroisse. Les fidèles ont assisté en foule au service religieux avec une grande dévotion. Il y avait beaucoup d'ecclésiastiques étrangers à Fall River ce jour-là, ce qui rehaussait d'une manière remarquable l'éclat de cette belle fête religieuse, une des plus belles qu'on ait jamais vues en cette cité. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.